Chapitre 20. Le pavillon de François Ier. C'était une belle chose que la chasse à l'oiseau, faite par des rois, quand les rois étaient presque des demi-dieux, et que la chasse était non seulement un loisir, mais un art. Néanmoins, nous devons quitter ce spectacle royal pour pénétrer dans un endroit de la forêt où tous les acteurs de la scène que nous venons de raconter vont nous rejoindre bientôt. À droite de l'allée de violettes, longue arcade de feuillage, retraite moussue où parmi les lavandes et les bruyères, un lièvre inquiet dresse de temps en temps les oreilles, tandis que le daim errant lève sa tête chargée de bois, ouvre les naseaux et écoute, est une clairière assez éloignée pour que de la route on ne la voie pas, mais pas assez pour que de cette clairière on ne voie pas la route. Au milieu de cette clairière, deux hommes couchés sur l'herbe, ayant sous eux un manteau de voyage, à leur côté une longue épée, et auprès d'eux chacun un mousqueton à gueule évasée qu'on appelait alors un poitrinal, ressemblaient de loin par l'élégance de leur costume à ces joyeux deviseurs du Décaméron, de près par la menace de leurs armes, à ces bandits de bois que 100 ans plus tard Salvator Rosa peignit d'après nature dans ses paysages. L'un d'eux était appuyé sur un genou et sur une main, et écoutait comme un de ces lièvres ou de ces daims dont nous avons parlé tout à l'heure. « Il me semble, dit celui-ci, que la chasse était singulièrement rapprochée de nous tout à l'heure. J'ai entendu jusqu'au cri des veneurs encourageant le faucon. » « Et maintenant, dit l'autre, qui paraissait attendre les événements avec beaucoup plus de philosophie que son camarade, maintenant je n'entends plus rien, il faut qu'il se soit éloigné. Je t'avais bien dit que c'était un mauvais endroit pour l'observation. » On n'est pas vu, c'est vrai, mais on ne voit pas. Que diable, mon cher Hannibal, dit le premier des interlocuteurs. Il fallait bien mettre quelque part nos deux chevaux à nous, et puis nos chevaux de main, puis ces deux mules si chargées que je ne sais pas comment elles feront pour nous suivre. Or, je ne connais que ces vieux êtres et ces chaînes séculaires qui puissent se charger convenablement de cette difficile besogne. J'oserais donc dire que loin de blâmer comme toi, monsieur de Mouy, je reconnais dans tous les préparatifs de cette entreprise qu'il a dirigée le sens profond d'un véritable conspirateur. Bon, dit le second gentilhomme, dans lequel notre lecteur a déjà bien certainement reconnu Coconas. Bon, voilà le mot lâché, je l'attendais. Je t'y prends, nous conspirons donc. Nous ne conspirons pas, nous servons le roi et la reine. Qui conspire, ce qui revient exactement au même pour nous. « Coconas, je te l'ai dit, reprit la Mole, je ne te force pas le moins du monde à me suivre dans cette aventure qu'un sentiment particulier que tu ne partages pas, que tu ne peux partager, me fait seul entreprendre. »« Et mordi, qu'est-ce donc qui dit que tu me forces? D'abord, je ne sache pas un homme qui pourrait forcer Coconas à faire ce qu'il ne veut pas faire. Mais crois-tu que je te laisserai aller sans te suivre, surtout quand je vois que tu vas au diable ?» Hannibal, dit la Mole, je crois que j'aperçois là-bas sa blanche haquenée. Oh, c'est étrange, comme rien que de penser qu'elle vient, mon cœur bat. Eh bien, c'est drôle, dit Coconas en bâillant. Le cœur ne me bat pas du tout à moi. Ce n'était pas elle, dit la Mole. Qu'est-il donc arrivé? C'était pour midi, ça me semble. Il est arrivé qu'il n'est point midi, dit Coconas, voilà tout. Et que nous avons encore le temps de faire un somme à ce qu'il paraît. Et sur cette conviction, Coconas s'étendit sur son manteau en homme qui va joindre le précepte aux paroles. Mais comme son oreille touchait la terre, il demeura le doigt levé et faisant signe à la Mole de se taire. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda celui-ci. « Silence. Cette fois j'entends quelque chose et je ne me trompe pas. » Oh, « c'est singulier. J'ai beau écouter, je n'entends rien, moi. » « Tu n'entends rien ?»« Non. »« Eh bien, dit Coconas, en se soulevant et en posant la main sur le bras de la moule. « Regarde ce daim. »« Où ?»« Là-bas. » Et Coconas montra du doigt l'animal à la moule. « Eh bien ?»« Eh bien, tu vas voir. » La moule regarda l'animal. La tête inclinée comme s'il s'apprêtait à brouter, il écoutait, immobile. Bientôt, il releva son front chargé de bois superbe et tendit l'oreille du côté d'où sans doute venait le bruit. Puis tout à coup, sans cause apparente, il partit, rapide comme l'éclair. « Oh !» dit la moule, « je crois que tu as raison, car voilà le daim qui s'enfuit. » « Et donc, puisqu'il s'enfuit, » dit Coconas, « c'est qu'il entend ce que tu n'entends pas. » En effet, un bruit sourd et à peine perceptible frémissait vaguement dans l'herbe. Pour des oreilles moins exercées, c'eût été le vent. Pour des cavaliers, c'était un galop lointain de chevaux. La moule fut sur pied en un moment. « Les voici, » dit-il. « Alerte !» Coconas se leva, mais plus tranquillement. La vivacité du piémontais semblait être passée dans le cœur de la moule, tandis qu'au contraire, l'insouciance de celui-ci semblait à son tour s'être emparée de son ami. C'est que l'un, dans cette circonstance, agissait d'enthousiasme et l'autre à contre-cœur. Bientôt, un bruit égal et cadencé frappa l'oreille des deux amis. Le hennissement d'un cheval fit dresser l'oreille aux chevaux qu'il tenait prêts à 10 pas d'eux, et dans l'allée passa, comme une ombre blanche, une femme qui, se tournant de leur côté, fit un signe étrange et disparut. « La reine !» s'écrièrent-ils ensemble. « Qu'est-ce que cela signifie ? » dit Coconas. « Elle a fait ainsi, » dit la moule, « ce qui signifie tout à l'heure. »« Elle a fait ainsi, » dit Coconas, « ce qui signifie partez. » « Ce signe répond à « Attendez-moi ».»« Ce signe répond à « Sauvez-vous ».»« Eh bien, » dit la moule, « agissons chacun selon notre conviction. »« Pars, je resterai. » Coconas haussa les épaules et se recoucha. Au même instant, en sens inverse du chemin qu'avait suivi la reine, mais par la même allée, passa, bride abattue, une troupe de cavaliers que les deux amis reconnurent pour des protestants ardents, presque furieux. Leurs chevaux bondissaient comme ces sauterelles dont parle Job. Ils parurent et disparurent. « Peste, cela devient grave, » dit Coconas en se relevant. « Allons au pavillon de François Ier. »« Au contraire, n'y allons pas, » dit la moule. « Si nous sommes découverts, c'est sur ce pavillon que se portera d'abord l'attention du roi, puisque c'était là le rendez-vous général. « Cette fois, tu peux bien avoir raison, » grommela Coconas. Coconas n'avait pas prononcé ces paroles qu'un cavalier passa comme l'éclair au milieu des arbres et franchissant fossés, buissons, barrières, arriva près des deux gentilshommes. Il tenait un pistolet de chaque main et guidait des genoux seulement son cheval dans cette course furieuse. « Monsieur de Mouy, » s'écria Coconas, inquiet et devenu plus alerte maintenant que la moule. « Monsieur de Mouy fuyant, on se sauve donc ?»« Hé, vite !» cria le huguenot. « Détalez, tout est perdu. J'ai fait un détour pour vous le dire. En route !» Et comme il n'avait pas cessé de courir en prononçant ces paroles, il était déjà loin quand elles furent achevées, et par conséquent lorsque la moule et Coconas en saisirent complètement le sens. « Et la reine !» cria la moule. Mais la voix du jeune homme se perdit dans l'espace. De Mouy était déjà à une trop grande distance pour l'entendre et surtout pour lui répondre. Coconas eut bientôt pris son parti. Tandis que la moule restait immobile et suivait des yeux de Mouy qui disparaissaient entre les branches qui s'ouvraient devant lui et se refermaient sur lui, il courut aux chevaux, les amena, sauta sur le sien, jeta la bride de l'autre aux mains de la moule et s'apprêta à piquer. « Allons, allons, » dit-il. « Je répéterai ce qu'a dit de Mouy, en route. Et de Mouy est un monsieur qui parle bien. En route, la moule. » Un instant, dit la moule, nous sommes venus ici pour quelque chose. À moins que ce ne soit pour nous faire pendre, répondit Coconas, je te conseille de ne pas perdre de temps. Je devine, tu vas faire de la rhétorique, paraphraser le mot fuir, parler d'Horace qui jeta son bouclier et d'Épaminondas qu'on rapporta sur le sien. Mais je dirai un seul mot. Où fuit Monsieur de Mouy de Saint-Phal, tout le monde peut fuir. Monsieur de Mouy de Saint-Phal, dit la moule, n'est pas chargé d'enlever la reine Marguerite. Monsieur de Mouy de Saint-Phal n'aime pas la reine Marguerite. Mordit, elle fait bien, si cet amour devait lui faire faire des sottises pareilles à celles que je te vois méditer. Que 500 000 diables d'enfer enlèvent l'amour qui peut coûter la tête à deux braves gentilshommes. Corne de bœuf, comme dit le roi Charles, nous conspirons, mon cher, et quand on conspire mal, il faut se bien sauver. En selle la moule. Sauve-toi, mon cher, je ne t'en empêche pas, et même je t'y invite. Ta vie est plus précieuse que la mienne. Défends donc ta vie. Il faut me dire, Coconas, faisons-nous pendre ensemble. Et non me dire, Coconas, sauve-toi tout seul. Bah, mon ami, répondit la moule, la corde est faite pour les manants et non pour des gentilshommes comme nous. Je commence à croire, dit Coconas avec un soupir, que la précaution que j'ai prise n'est pas mauvaise. Laquelle ? De me faire un ami du bourreau. Oh, tu es sinistre, mon cher Coconas. Mais enfin, que faisons-nous ? S'écria celui-ci, impatienté. Nous allons retrouver la reine. Et où cela ? Je n'en sais rien. Retrouver le roi ? Et où cela ? Je n'en sais rien, mais nous le retrouverons, et nous ferons à nous deux ce que 50 personnes n'ont pu ou n'ont osé faire. Tu me prends par l'amour propre, Hyacinthe, c'est mauvais signe. Eh bien, voyons, à cheval et partons. Ah, c'est bien heureux. La moule se retourna pour prendre le pommeau de la selle, mais au moment où elle mettait le pied à l'étrier, une voix impérieuse se fit entendre. Halte là, rendez-vous, dit la voix. En même temps, une figure d'homme parut derrière un chêne, puis une autre, puis 30. C'étaient les chevaux légers qui, devenus fantassins, s'étaient glissés à plat ventre dans les bruyères et fouillaient dans le bois. « Qu'est-ce que je t'ai dit ? » murmura Coconas. Une espèce de rugissement sourd fut la réponse de la moule. Les chevaux légers étaient encore à 30 pas des deux amis. « Voyons, continua le piémontais, parlant tout haut au lieutenant des chevaux légers et tout bas à la moule. « Messieurs, qu'y a-t-il ? » Le lieutenant ordonna de coucher en joue les deux amis. Coconas continua tout bas. « Ancel, la moule, il en est temps encore. Saute à cheval, comme je t'ai vu 100 fois, et partons. » Puis se tournant vers les chevaux légers. « Et que diable, messieurs, ne tirez pas, vous pourriez tuer des amis. » Puis, à la moule, « À travers les arbres, on tire mal. Ils tireront et nous manquerons. »« Impossible, dit la moule. Nous ne pouvons emmener avec nous le cheval de Marguerite et les deux mules. Ce cheval et ses deux mules la compromettraient, tandis que par mes réponses, j'éloignerai tout soupçon. Pars, mon ami, pars. » « Messieurs, dit Coconas en tirant son épée et en l'élevant en l'air, messieurs, nous sommes tout rendus. » Les chevaux légers relevèrent leurs mousquetons. « Mais d'abord, pourquoi faut-il que nous nous rendions ? » ?»« Vous le demanderez au roi de Navarre. »« Quel crime avons-nous commis ? » ?»« Monsieur d'Alençon vous le dira. » Coconas et la moule se regardèrent. Le nom de leur ennemi, en un pareil moment, était peu fait pour les rassurer. Cependant, ni l'un ni l'autre ne fit résistance. Coconas fut invité à descendre de cheval, manœuvre qu'il exécuta sans observation. Puis tous deux furent placés au centre des chevaux légers, et l'on prit la route du pavillon de François Ier. « Tu voulais voir le pavillon de François Ier ? » dit Coconas à la moule, en apercevant à travers les arbres les murs d'une charmante fabrique gothique. « Eh bien, il paraît que tu le verras. » La moule ne répondit rien, et tendit seulement la main à Coconas. À côté de ce charmant pavillon, bâti du temps de Louis XII, et qu'on appelait le pavillon de François Ier, parce que celui-ci le choisissait toujours pour ses rendez-vous de chasse, était une espèce de hutte élevée pour des piqueurs, et qui disparaissait en quelque sorte sous les mousquets, sous les halbardes et les épées reluisantes, comme une taupinière sous une moisson blanchissante. C'était dans cette hutte qu'avaient été conduits les prisonniers. Maintenant, éclairons la situation fort nuageuse, pour les deux amis surtout, en racontant ce qui s'était passé. Les gentilshommes protestants s'étaient réunis comme la chose avait été convenue dans le pavillon de François Ier, dont, on le sait, de Mouy s'était procuré la clé. Maîtres de la forêt, à ce qu'ils croyaient du moins, ils avaient posé par-ci par-là quelques sentinelles que les chevaux légers, moyennant un changement d'écharpe blanche en écharpe rouge, précaution due au zèle ingénieux de M. de Nancy, avait enlevé sans coup férir par une surprise vigoureuse. Les chevaux légers avaient continué leur battue, cernant le pavillon. Mais Demouy, qui, ainsi que nous l'avons dit, attendait le roi au bout de l'allée des violettes, avait vu ses écharpes rouges marchant à pas de loup, et dès ce moment les écharpes rouges lui avaient paru suspectes. Il s'était donc jeté de côté pour n'être point vu, et avait remarqué que le vaste cercle se rétrécissait de manière à battre la forêt et à envelopper le lieu du rendez-vous. Puis, en même temps, au fond de l'allée principale, il avait vu poindre les aigrettes blanches et briller les arquebuses de la garde du roi. Enfin, il avait reconnu le roi lui-même, tandis que du côté opposé, il avait aperçu le roi de Navarre. Alors il avait coupé l'air en croix avec son chapeau, ce qui était le signal convenu pour dire que tout était perdu. À ce signal, le roi avait rebroussé chemin et avait disparu. Aussitôt Demouy, enfonçant les deux larges molettes de ses éperons dans le ventre de son cheval, avait pris la fuite, et tout en fuyant, avait jeté les paroles d'avertissement que nous avons dites à la Mole et à Coconas. Or, le roi, qui s'était aperçu de la disparition de Henri et de Marguerite, arrivait escorté de M. d'Alençon pour les voir sortir tous deux de la hutte où il avait dit de renfermer tout ce qui se trouverait non seulement dans le pavillon, mais encore dans la forêt. D'Alençon, plein de confiance, galopait près du roi, dont les douleurs aiguës augmentaient la mauvaise humeur. Deux ou trois fois, il avait failli s'évanouir, et une fois, il avait vomi jusqu'au sang. « Allons, allons, » dit le roi en arrivant, « dépêchons-nous. J'ai hâte de rentrer au Louvre. Tirez-moi tous ces parpaillots du terrier. C'est aujourd'hui Saint-Blaise, cousin de Saint-Barthélemy. » À ces paroles du roi, toute cette fourmilière de piques et d'arquebuses se mit en mouvement. Et l'on força les huguenots, arrêtés soit dans la forêt, soit dans le pavillon, à sortir l'un après l'autre de la cabane. Mais de roi de Navarre, de Marguerite et de Demouy, point. « Eh bien, dit le roi, où est Henri? Où est Margot? Vous me les avez promis, d'Alençon. Et Corbeuf, il faut qu'on me les trouve. » « Le roi et la reine de Navarre, dit M. de Nancy, nous ne les avons pas même aperçus, sire. » « Mais les voilà ? » dit Madame de Nevers. En effet, à ce moment même, à l'extrémité d'une allée qui donnait sur la rivière, parurent Henri et Margot, tous deux calmes comme s'il ne se fût agi de rien. Tous deux, le faucon au poing et amoureusement serré, avec tant d'art que leurs chevaux, tout en galopant, non moins unis qu'eux, semblaient se caresser l'un l'autre des naseaux. Ce fut alors que d'Alençon, furieux, fit fouiller les environs et que l'on trouva la Mole et Coconas sous leur berceau de lierre. Eux aussi firent la rentrée dans le cercle que formaient les gardes avec un fraternel enlacement. Seulement, comme ils n'étaient point rois, ils n'avaient pu se donner si bonne contenance que Henri et Marguerite. La Mole était trop pâle et Coconas était trop rouge.